الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر واجبة على كل مسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح وهو ما صار له 4 أشهر، فقد كان السلف يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه وغيره. ولا تجب زكاة الفطر إلا بشرطين: الإسلام ووجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. ومن حكم وجوب زكاة الفطر تطهير الصائم مما قد وقع فيه من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، وإدخال السرور عليهم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. ومقدار الواجب فيها هو صاع من غالب قوت أهل البلد كالبر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو غير ذلك، ولا يجوز إخراجها نقداً لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة رضوان الله عليهم. ويجوز إخراجها من اليوم 28، واليوم الجمعة هو 28 من رمضان. ويجوز إخراجها من اليوم 28 من رمضان إلى صباح يوم العيد قبل صلاة العيد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقطس والتمر، رواه البخاري. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Serviteur d'Allah, sachez que la zakat de l'fitr, de la rupture du jeûne, qu'on appelle aussi sadaqa, c'est l'aumône obligatoire pour chaque musulman de s'en acquitter. D'après Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de donner la sadaqa de l'fitr, de la rupture du jeûne, pour le ramadan. Un sa, c'est une unité de mesure qui consiste à 4 fois les deux mains pleines. Les deux mains pleines, une fois ça s'appelle un moud, 4 fois c'est un sa de dattes ou de blé, pour les personnes qui soient libres ou esclaves, hommes et femmes, petits et grands, parmi les musulmans, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il est recommandé de la sortir aussi pour le fœtus, pour le bébé qui est dans le ventre de sa mère, lorsque l'âme a été insufflée en lui, c'est-à-dire qu'il a plus de 4 mois de grossesse. Voilà l'action des pieux prédécesseurs, comme cela est rapporté de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, et autres. Et la zakat de l'fitr ne devient obligatoire que lorsqu'il y a ces deux conditions. La première, que la personne elle soit musulmane. Et la deuxième, c'est qu'elle possède les provisions pour une journée et une nuit, le jour de l'Eid et la nuit de l'Eid, pour lui et sa famille et tous ceux qui sont à sa charge. Celui qui a ces provisions-là pour sa propre personne, pour les personnes qui sont à sa charge, pour la journée de l'Eid et la nuit de l'Eid, alors il doit sortir la zakat, al-fitr. Et parmi les sagesses pour lesquelles a été instituée la zakat al-fitr, premièrement, c'est pour la personne qui la sort. C'est pour le purifier, le nettoyer de tous les manquements, de tous les péchés, de toutes les fautes commises pendant et les négligences qu'il y a eu pendant son jeûne du mois de Ramadan. Et aussi, c'est pour enrichir les pauvres, pour que le jour de l'Eid, ils aient de quoi manger et n'aient pas le besoin de tendre la main et de demander aux gens. Et aussi de ramener la joie dans les cœurs de ces gens. D'après Abdullah ibn Abbas, anhuma, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de sortir la zakat de l'fitr comme purification pour le jeûneur des manquements, des fautes commises pendant son jeûne et aussi comme nourriture pour les pauvres, rapporté par Abu Daoud ibn Majah et rendu bon par Al-Albani. Et la quantité obligatoire à donner, c'est un sa. C'est un sa, donc c'est une quantité, ça va entre 1 kilo et quelques jusqu'à 2 kilos et quelques. Il y en a qui disent que c'est bien de sortir 2 kilos 5, comme ça on est sûr d'être toujours dans la bonne mesure. Et il y a des tableaux qui ont été effectués en la présence de certains savants qui vous montrent pour chaque produit, pour chaque nourriture, quelle est la mesure à donner. Et la mesure, elle est à donner pour une personne. Et à leur époque, la nourriture globale qu'ils avaient, c'était le blé, l'orge, les dattes, les raisins secs, le riz et d'autres formes de produits. Et il est interdit de la donner en argent. Donc n'écoutez pas tous ceux qui vous disent les 5 euros ou autre chose, ça n'existe pas dans la religion. Quoi qu'auraient dit certains savants là-dessus, les textes sont bien explicites et clairs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de la sortir en nourriture, les compagnons la sortaient en nourriture et l'argent existait à leur époque et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dirigés vers cela. Donc ceux qui vous poussent à la donner en argent, ils vous poussent à contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à contredire l'action des compagnons radiallahu ta'ala anhum. Et il est autorisé de la sortir 2 jours, 1 jour avant le Eid, à partir du 28 de Ramadan. Et aujourd'hui, on est le vendredi 28 Ramadan. À partir d'aujourd'hui, on peut commencer à distribuer, à donner la zakat de l'fitr jusqu'à, d'accord, le moment final où on n'a plus le droit de dépasser, c'est la prière de l'Eid. Il faut la donner au maximum avant la prière de l'Eid. Abu Sa'id ibn al-Khudri, radiallahu anhu, a dit, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous sortions la zakat de l'fitr, un sa, donc cette mesure-là, de nourriture, et notre nourriture qu'on avait à l'époque était le blé, les raisins secs et le fromage, ainsi que les dattes rapportées par Al-Bukhari. اللهم ردنا إلى دينك الجميل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا